بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Comme annoncé aujourd'hui, inshallah ta'ala, on va commencer une nouvelle série de cours pour les femmes à la base. Mais on n'oublie pas que ces cours-là sont aussi profitables aux hommes. Inch'Allah, une série de cours concernant les règles liées aux menstrues, aux métroragies et aux lochies. Bi'idhnillahi ta'ala, pour cette série de cours, on va se baser sur un écrit du très savant Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala. Un livre qui s'appelle Tanbihat ala ahkamin takhtassu bil mu'minat. Et donc, le fait d'attirer l'attention sur des règles spécifiques aux croyantes. Le Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, dans ce livre, il a abordé plusieurs sujets. Il n'a pas abordé que le sujet des menstrues. Il a abordé le sujet de la prière, plusieurs sujets qui concernent les femmes de manière spécifique. Et nous, inshallah ta'ala, on va commencer avec ce sujet. On va choisir des sujets. On va pas prendre tout le livre, inshallah ta'ala, mais on va choisir des sujets spécifiques. On commence avec le sujet lié aux menstrues. Et donc, il dit l'auteur, rahimahullah, awwalan al-haydu wa ahkamuhu. Premièrement, les menstrues ainsi que leurs règles. Donc, les jugements liés aux menstrues. Al-haydu fil lugha هو السيلان والحيض شرعا دم يخرج من قعر رحم المرأة في أوقات معلومة من غير مرض ولا إصابة. Et donc les menstrues au niveau dans la langue arabe, le terme al-hayd va être utilisé pour donc la coulée, le fait de se déverser. Mais dans la législation, c'est un sang, une forme de sang, qui va sortir des parties génitales de la femme à des moments définis, des moments connus, sans pour autant que cela ne soit lié à la maladie ou au fait qu'elle ait été blessé ou impacté par quelque chose. Et donc, les menstrues vont donc être liées aussi à la santé de la personne. Ça, c'est important de le retenir. On en aura besoin plus tard, inshallah ta'ala. Et donc, ce qui est voulu ici, c'est que lorsque la personne, ce sang qui coule, ce sang qui va sortir du vagin de la femme, il se peut qu'il sorte à cause d'une maladie ou une blessure. Si tel est le cas, alors ce sang-là n'est pas le sang des menstrues. Car le sang des menstrues n'est pas lié à une maladie ou une blessure. Ensuite, il dit l'auteur, rahimahullah, wa innama huwa shay'un jabala Allahu 'alayhi banati Adam khalaqahu Allahu fi ar-rahim li taghdhiyati al-waladi fi ar-rahim waqt al-haml. Il dit cependant, donc les menstrues, le sang des menstrues est quelque chose qu'Allah tabaraka wa ta'ala a donné aux femmes parmi les descendants de Adam. Allah les a créées comme cela. Et Allah tabaraka wa ta'ala a créé ce sang dans donc les parties de la femme pour nourrir l'enfant, pour nourrir le fœtus, dans les parties, dans l'utérus, au moment, donc, lorsque la femme sera enceinte, pour nourrir le fœtus, quand la femme est enceinte. Et subhanallah, ce sujet fait partie, ce sujet nous montre la miséricorde d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Car le fœtus, l'enfant est dans le ventre de sa mère. Les créatures les plus miséricordieuses envers cet enfant ne peuvent le nourrir. Son père et sa mère ne peuvent rien faire pour faire parvenir de la nourriture à cet enfant qui est dans le ventre de sa mère. Alors Allah tabaraka wa ta'ala, le plus miséricordieux des miséricordieux, Arhamur Rahimin, il a placé donc ce sang, le sang des menstrues, qui va donc permettre de nourrir cet enfant quand la femme est enceinte. Et il continue le Cheikh Al-Fawzan, il nous dit « Summa yatahawwalu labanan ba'da wiladatihi » Et ensuite, le sang va se changer en lait après la naissance. Et donc ce sang-là va se changer en lait après la naissance. Concernant ce sujet, le fait que le sang des menstrues se change en lait, il y a plusieurs parmi les gens de science qui disent cela. Cependant, barakallahu fikoum, je n'ai jusqu'à ce jour trouvé aucune preuve textuelle dans la législation islamique ou alors dans la science qui montre cela. Jusqu'à ce jour, je n'ai trouvé aucune preuve textuelle ou scientifique qui va appuyer cette argumentation. Il continue le Cheikh Al-Fawzan. Il nous dit فإذا لم تكن المرأة حاملا ولا مرضعا بقي هذا الدم لا مصرف له فيخرج في أوقات معلومة تعرف بالعادة أو الدورة الشهرية. Et donc si la femme n'est pas enceinte ou n'allait pas, alors ce sang-là, il va rester, il ne sera pas utilisé. Et donc, il va sortir à des moments définis. Et ce sang-là, dans la langue arabe, donc les menstrues dans la langue arabe, on peut les appeler donc el-ada ou alors el-dawratu shahriya. Il y a plusieurs noms pour les menstrues, il n'y a pas que le terme el-haïd. Ensuite, le cheikh, il nous dit, hafidhahullah, as-sinnu alladhi tahidu fihi al-mar'a. L'âge à partir duquel la femme va être menstruée. Il dit, rahimahullah, غالباً أقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين. أقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين إلى خمسين سنة. Et donc, de manière générale, le plus souvent, donc le plus petit âge auquel la femme va avoir ses menstrues est 9 ans. Il dit Raliban. Le plus souvent, le début, donc les premières menstrues, et le plus petit âge qu'on peut trouver pour le début des menstrues, est l'âge de 9 ans. Et cela continue jusqu'à 50 ans. Donc 50 ans, le maximum. Allah Ta'ala qui dit وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ يَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ. Celles qui désespèrent des menstrues, celles qui n'ont plus de menstrues parmi vos femmes, si vous doutez, alors leur période de viduité est de 3 mois. Leur période de viduité est de 3 mois. Ce verset-là, on en aura besoin dans plusieurs passages. Pour plusieurs divergences entre les ulémas, on va utiliser ce même verset, inshallah ta'ala. Et donc ici, L'auteur, rahimahullah, le cheikh Al-Fawzan, qui utilise ce verset, et aussi donc, excusez-moi, je n'ai pas cité la fin du verset, Wallahi lam yahidn, et celles qui n'ont pas été menstruées, celles qui n'ont pas eu leurs menstrues. Donc, celles qui ont été citées, donc ce sont donc celles qui n'ont plus les menstrues, et celles qui n'ont pas encore eu leurs menstrues. Donc, ces femmes-là, leur période de viduité est de 3 mois. Et donc, Surat At-Talaq, le verset 4. Il faut savoir que les savants ont divergé sur ce sujet. Quel est ce sujet? C'est-à-dire à partir de quel âge, au minimum, quel est l'âge minimal auquel la femme peut avoir ses menstrues? Et quel va être l'âge maximal? Les savants ont divergé sur ce sujet. Et donc, si les savants voient que ça commence à 9 ans, si une femme ou une fille va avoir du sang qui sort de ses parties à 8 ans ou à 7 ans, même si cela sort tous les mois de manière régulière, ils vont dire non, ce ne sont pas les menstrues, parce que les menstrues commencent minimum à 9 ans, pas avant. Si une femme a 60 ans, elle a encore ce sang qui sort de ses parties. Et tous les mois, de manière donc régulière, et bien là, ils vont nous dire encore, non, ce ne sont pas les menstrues. Pourquoi? Parce que le maximum, c'est 50 ans. Et c'est pour ça que le cheikh Al-Fawzan, après, il nous dit, فَاللَّهِ يَعِسْنَا مَنْ بَلَغْنَا خَمْسِينَ سَنَةً وَاللَّهِ لَمْ يَحِدْنْ هُنَّ السِّغَارْ دُونَ التِّسْعَةً. Et donc il nous dit le cheikh Al-Fawzan, et donc les femmes qui n'ont plus leur menstrue, ce sont celles qui ont atteint 50 ans. Et celles qui n'ont pas encore eu leur menstrue, ce sont les petites, celles qui sont en dessous de 9 ans. Et donc les savants, ils ont divergé sur ce sujet. Mais l'avis le plus juste, barakallahu fikoum, c'est qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite pour l'âge minimal ou l'âge maximal. Il n'y a pas de limite. Tant que le sang il est présent, il est présent. On se base sur le fait que le sang soit là. Et donc tant que l'impureté est là, elle a ses menstrues. يسألونك عن المحيض قل هو أذى. Elle t'interroge concernant les menstrues, dit ceci est une souillure. Tant que la souillure est là, c'est les menstrues. Jusqu'à preuve du contraire, sauf s'il y a un élément qui nous montre que non, c'est la femme elle est malade ou autre. Mais on a dit précédemment que le sang des menstrues n'est pas lié à la maladie. Ça veut dire que si cette femme, et donc la base, c'est que la femme, elle est en bonne santé, jusqu'à preuve du contraire. C'est ça la base. Et donc si elle est en bonne santé et qu'elle a ce sang qui sort, c'est les menstrues. Et ça, c'est l'avis le plus juste et c'est le choix d'Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Et donc si le sang est présent, alors que la femme est en bonne santé, alors il est obligatoire de considérer ce sang comme étant le sang des menstrues. Et donc la femme à ce moment-là, elle ne prie plus, elle ne jeûne pas. Jusqu'à ce que cela se termine. Même si cela se fait avant 9 ans ou après 50 ans. Donc ça c'est l'avis le plus juste. Inch'Allah ta'ala. Et notez bien, parce que Inch'Allah, on va faire donc des examens de temps en temps. Bi'idnillah, on va essayer de faire des examens tout au long de notre étude de ce livre de Cheikh Al-Fawzan, Hafizahullah Ta'ala. Ensuite, il dit l'auteur, Ahkamul Ha'id. Donc des règles concernant la femme menstruée. Là, il va aborder plusieurs sujets. Aujourd'hui, on va en prendre quelques-uns, Inch'Allah Ta'ala. Il dit, premièrement, يحرم في حال الحيض وطؤها في الفرج. Il est interdit durant la période de menstrues d'avoir un rapport avec elle dans ses parties intimes. Et ceci en se basant sur la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًا فَاعْتَزِلُ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ. Il t'interroge concernant les menstrues, dit ceci est une souillure, alors délaissez les femmes pendant cette période de souillure, pendant cette période de menstrues. Délaissez les femmes, c'est-à-dire n'ayez pas de rapport avec elles. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ. Et ne vous approchez pas d'elles jusqu'à ce qu'elles se purifient. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. Et lorsqu'elles se seront purifiées, alors à ce moment, donc allez, donc accomplissez ce qui vous dit ici, فَأْتُوهُنَّ, c'est-à-dire vous pouvez avoir des rapports avec elles, là où Allah vous l'a permis. Là où Allah vous a permis. Certes, Allah aime ceux qui se repentent et Allah aime ceux qui se purifient. Surat al-Baqarah, le verset numéro 222. Il dit le chiffre. وَيَسْتَمِرُ هَذَا التَّحْرِيمِ إِلَىٰ أَنْ يَنْقَطِعَ عَنْهَا خُرُوجُ دَمِ الْحَيْضِ وَتَغْتَسِلُ مِنْهُ. Et donc cette interdiction, il est interdit d'avoir un rapport avec la femme menstruée. Cette interdiction continue jusqu'à ce que le sang s'estompe et qu'elle se soit purifiée. Ça veut dire, la femme, elle a eu ses menstrues. Ensuite, le sang s'est estompé au bout de plusieurs jours. Il n'y a plus de sang, mais elle ne s'est pas purifiée. Est-ce que son mari a le droit d'avoir un rapport avec elle? Non, tant qu'elle ne s'est pas purifiée. Toyib, question. Un homme musulman est marié avec une femme chrétienne. Yajouz, Aula, Yajouz ? Naam, Yajouz, c'est permis. Avec des conditions, bien entendu. Taïb, sa femme chrétienne, elle a eu ses menstrues. Ensuite, les menstrues se sont arrêtées. Est-ce que celui-ci peut avoir un rapport avec elle ? Elle ne s'est pas purifiée. Et est-ce qu'elle, il lui est obligatoire de se purifier ? Certains vont me dire, ben non, elle est chrétienne. La purification, c'est un acte d'adoration. Et vu qu'elle est chrétienne, son rousl n'est pas accepté d'elle. Allah Azza wa Jal qui dit dans son livre, Inna dina indallahi l'islam. La religion agréée auprès d'Allah, c'est l'islam. Tant qu'elle n'a pas l'islam, ses actes d'adoration ne sont pas acceptés. On a déjà vu les conditions de l'acceptation des œuvres. Et donc déjà, il faut que la personne soit musulmane. Voyez, mais ici, les savants, ils nous disent, cette femme, il lui est obligatoire de faire son roussel afin que son mari puisse avoir un rapport avec elle. Tant que cette femme chrétienne n'a pas fait son roussel, son mari ne peut pas avoir de rapport avec elle, ne peut pas s'approcher d'elle. Il continue le Cheikh Al-Fawzan et il nous dit وَيُبَاحُ لِزَوْجِ الْحَائِضِ أَنْ يَسْتَمْتِعَ مِنْهَا بِمَا دُونَ الْجِمَاعِ فِي الْفَرْجِ لِقَوْلِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ. Il est permis à l'époux de la femme menstruée, de la femme qui a ses menstrues, il est permis à son époux de prendre du plaisir avec elle en faisant tout sauf le rapport dans le vagin. Et ceci en se basant sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, faites tout, c'est-à-dire vous pouvez tout faire sauf le rapport. Vous pouvez tout faire sauf le rapport. Rawahu muslimun, rapporté par muslim. Et ici, j'attire votre attention sur le fait que ce sujet fait partie des points qui montrent l'erreur de beaucoup de nos frères. Beaucoup de frères. Ça c'est un cours pour les femmes, mais on va parler des frères un petit peu, Inch'Allah. Les frères qui ne vont pas étudier ces sujets, tous les sujets qui sont liés aux menstrues. Hein? Il y a beaucoup de frères, ils ont dû voir l'affiche, cours pour les femmes, sur les menstrues, etc. Ils se disent, ah moi j'assiste pas au cours, c'est un cours pour les femmes, il n'y a pas besoin. De toute façon, moi, j'ai pas de menstrues, alhamdoulilah, je suis pas concerné par ce sujet. Ceci est une erreur. Ils font comme si ce sujet ne les concerne pas. Le frère, il vient, il se marie tranquillement, mashallah, il est marié. Et il y a du sang donc qui va sortir du vagin de sa femme. Un moment qui n'est pas habituel. Elle avait l'habitude que le sang sorte à tel moment du mois. Là, il sort à un autre moment, d'une autre manière. Et donc la femme, elle ne sait pas. Elle ne sait pas si c'est le sang de ses menstrues ou pas. Elle ne sait pas si elle doit prier ou pas. Elle ne sait pas si elle peut jeûner. Elle ne sait pas si son mari peut avoir un rapport avec elle. Elle se retourne vers son mari. C'est lui le mari, mashallah. C'est lui le mari. C'est lui l'homme. C'est lui qui est responsable de l'apprentissage de sa femme. Et donc elle ne sait pas, elle se retourne vers lui. Elle ne va pas aller se taper sur Google, aller voir tous les sites qui abordent le sujet, plein de sites qui ne sont pas légiférés, même si c'est marqué la science légiférée. Et donc, au lieu d'aller vers tous ces sites, elle va vers son mari. Mais miskin, il ne connaît pas lui non plus. Il n'a pas étudié le sujet parce qu'il pense que ça ne le concerne pas. Il pense que ça ne le concerne pas et ceci est une grave erreur. Et donc, barakallahu fikoun wa fikoum, ce sujet, le sujet des menstrues est un sujet très important à ne pas négliger. Et les savants, les hommes, les ulema, accordent une grande importance à l'enseignement de ce sujet comme ils enseignent les autres sujets de la législation. Et ils l'enseignent à leurs étudiants qui sont des hommes. Majoritairement. Pourquoi est-ce que les savants ne disent pas, bon, écoutez, ce sujet, ça concerne les femmes, donc ça ne sera pas pour vous, les frères, vous pouvez sortir de la mosquée, hein, aller étudier autre chose, pendant que nous, on fait ce sujet-là avec les femmes, et vous, vous revenez quand on aura fini, Inch'Allah. J'ai jamais vu un savant faire ça. Le sujet des menstrues, c'est un sujet qui va être lié à plusieurs points. Le rapport, le divorce, l'héritage. Oui, oui, l'héritage. Il se peut que le sujet des menstrues fasse qu'une femme soit privée d'héritage ou pas. Oui, oui, le sujet des menstrues. Même chose par rapport au divorce. Et donc, il est important que les frères se rendent compte que tous les sujets dans la législation sont importants. Tous les sujets dans la législation sont importants. D'ailleurs, je me rappelle l'imam Malik rahimahullah. On lui a posé une question et il ne connaissait pas la réponse. Alors, le questionneur, il lui a dit, mais c'est une question simple. C'est un sujet simple, où l'imam Malik ne voulait pas répondre. L'imam Malik, rahimahullah, il a dit, il n'y a pas dans le ilm, dans la science, quoi que ce soit qui soit simple. C'est-à-dire quelque chose qui n'est pas important. Tout est important. Nous devons faire très attention à tout. Et il s'est basé sur la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, inna sinulqi alayka qawlan saqila. Nous allons faire descendre sur toi une parole lourde. Une parole lourde. Et donc on doit faire attention, barakallahu fikoum, à ne pas minimiser l'importance des sujets qu'on étudie dans notre religion. Et l'auteur qui nous dit, donc ça c'est le dernier point qu'on verra aujourd'hui, inshallah ta'ala, comme d'habitude on ne fait pas trop long. Il dit, rahimahullah, تترك الحائض الصوم والصلاة في مدة حيضها ويحرم عليها فعلهما ولا يصحان منها لقوله صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم متفق عليه. Et donc la femme qui a ses menstrues, elle va délaisser le jeûne et la prière durant la période de ses menstrues, et il lui est interdit de prier ou de jeûner. Il lui est interdit de prier ou de jeûner. Et cela n'est pas valable pour elle. C'est-à-dire que cette femme, elle a ses menstrues. Elle va quand même jeûner ou elle va quand même prier. Cela n'est pas valable. C'est interdit, donc ça veut dire qu'elle prend un péché. Et son acte qu'elle vient de faire n'est pas valable. Elle doit le refaire lorsqu'elle n'aura plus ses menstrues. Et ceci en se basant sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas que lorsque la femme a ses menstrues, elle ne prie pas et ne jeûne pas. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. فَإِذَا طَهُرَتْ الْحَائِضُ فَإِنَّهَا تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةِ لِقَوْلِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنَّا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Et donc, et la femme qui a eu ses menstrues, une fois qu'elle est purifiée de ses menstrues, à ce moment-là, elle va rattraper ses jours de jeûne manqués, mais elle ne va pas rattraper la prière. Ceci en se basant sur la parole de Aïcha radiallahu anha, nous avions nos menstrues à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il nous était ordonné de rattraper nos jours de jeûne manqués, mais il ne nous était pas ordonné de rattraper nos prières. Muttafaqun alayhi. Ce hadith, il est très important, hein, le hadith de Aïcha, notamment par rapport, donc déjà par rapport à ce sujet, le sujet des menstrues, mais on a aussi une très belle leçon au niveau du manhaj. C'est une femme qui s'appelle Mu'aza qui est venue voir Aïcha radiallahu anha et qui lui a dit: comment se fait-il que la femme menstruée, elle rattrape ses jours de jeûne mais elle ne rattrape pas ses prières? Il faut savoir que je vous cite le contexte. Il faut savoir que à cette époque, il y avait donc un groupe de takfiriyoun, un groupe de khawarij qui ont été appelés al-haruriyoun. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient restés dans une contrée appelée Haroura. Et donc ces gens-là, dans leur croyance et dans leur pratique, il y a le fait que la femme qui avait ses menstrues, elle devait rattraper ses jours de jeûne, mais aussi ses prières. Toutes les prières qu'elle n'a pas faites quand elle avait ses menstrues. Et donc lorsque cette femme est venue poser cette question à Aïcha, radhiyallahu anha, Aïcha lui a répondu en disant: Eh Haruriyatun anti ? Est-ce que tu es Haruriya ? Est-ce que tu es Haruriya ? Ici, on comprend quoi ? On comprend l'importance. On comprend le fait que le salafi, la salafiya, ou la personne qui suit la sunna, ou la personne qui fait partie des gens de Ahlus Sunna wal Jama'a, ou la personne qui fait partie de Ahlul Athar, ou toute personne qui suit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a une façon de parler. Elle a une façon de marcher. Elle a une façon de s'habiller. Elle a une façon de se comporter. De la même manière que celui qui va être dans une secte va avoir une façon de parler, etc. De la même manière que le délinquant, tu vas voir, il va avoir une manière de marcher, une manière de parler. Et il n'est pas convenable que tu vas trouver chez des gens qui s'affilient à la sunna, qui viennent en marchant comme des racailles, hein, wesh wesh, etc., etc., et qu'on trouve ça aussi chez des sœurs. Ce n'est pas normal. De la même manière, il n'est pas normal qu'on trouve chez certains et chez certaines des comportements qu'on trouve chez des sectes. Tu suis la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors suis-la bien. Suis-la dans ton comportement. Suivre la sunna, c'est pas que suivre la sunna dans le fait que tu connaisses quelles sont les règles des menstrues, ou quelles sont les règles de la prière, ou quels sont les principes fondamentaux de Ahlus Sunnati wal Jama'a. Il y a le comportement qui va avec. Et donc Aïcha radhiyallahu anha, elle a dit cela à cette femme: est-ce que tu es une haruriya? Cette femme, elle a été claire. Elle a dit: la lestu bi haruriya. Non, je ne suis pas haruriya. Walakini sl. Cependant, je demande. Je veux savoir. Elle a été claire. On a aussi l'importance d'être clair. Il ne faut pas être douteux dans une situation douteuse. Non, il faut être clair. Ma croyance, c'est ça, ça, ça, ça et ça. C'est la croyance de Ahlus Sunnati wal Jama'a. Tu n'as pas une croyance douteuse. À ce moment, Aïcha a répondu à sa question et elle lui a dit, donc, ce qu'on a lu tout à l'heure, nous avions nos menstrues à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il nous était ordonné de rattraper nos jours de jeûne, mais il ne nous était pas ordonné de rattraper nos prières. Et l'explication, la sagesse par rapport à cela, elle nous dit, le Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullahu ta'ala, il nous dit, « Wal farku wallahu a'lam, anna salata tatakarraru falam yajib qada'uha lil haraj wal mashaqqa wal mashaqqati fi dhalik bi khilaf as-siyam. » Et donc il nous dit, la différence, wallahu a'lam, et Allah est plus savant, c'est que la prière, elle se répète. Donc la prière, elle se répète tous les jours, on en a tous les jours des prières. Et donc il n'est pas obligatoire de rattraper les prières pour éviter la difficulté. Allah tabaraka wa ta'ala ne nous a pas placé de difficulté dans la religion. Et donc une femme qui va avoir ses menstrues pendant 10 jours, elle va se retrouver donc avec 50 prières à rattraper. Si elle devait rattraper les prières. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala a facilité la femme et il a fait en sorte que il ne lui est pas obligatoire de rattraper ses prières. Par contre, le jeûne, elle doit le rattraper, parce que le jeûne du Ramadan, c'est quelque chose qui va arriver une fois dans l'année. C'est quelque chose, le jeûne du mois de Ramadan, c'est une fois dans l'année. Et donc voilà pour ce premier cours, bi'idhnillahi ta'ala. Et nous, on va essayer de s'organiser, bi'idhnillah, pour faire régulièrement des petits examens, inshallah, pas trop difficiles. Et on va s'organiser avec la mosquée de Villerue, bi'idhnillah, pour qu'il y ait une boîte mail, afin que les sœurs qui désirent, les sœurs ou les frères, il se peut qu'il y ait des frères qui écoutent aussi, inshallah, afin que les frères, les sœurs et les frères qui désirent participer et être interrogés, qu'on puisse aussi vérifier la compréhension de tout un chacun, inshallah ta'ala, afin que ceux-ci puissent se signaler et s'inscrire. La semaine prochaine ou durant la semaine, inshallah ta'ala, je vais vous donner toutes les informations afin que vous puissiez vous inscrire. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardahu wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khairan wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.